silure de Silo Hind à Brezonuk. Silure de retrouver Hind à Brezonuk. On retrouve Henri Le Naou pour Hind à Brezonuk. Cette semaine, Henri, on est à un chiffre rond pour l'émission. 460, Per Hontruggen. Hontruggen, parce que les Bretons calculent en multipliant soit par 6, soit par 20, c'est ça? Oui, par 20, oui. Oui, oui, Hontruggen, Per Hontruggen. Voilà. Et aujourd'hui, on va, pour Guerriou Hervue, la première partie, on va parler d'un mot court, BOD, B-O-D. Alors en fait, il y a deux mots différents qui s'écrivent BOD et qui se prononcent BOD. Et d'ailleurs, souvent, on a tendance à les confondre, à dire que l'un vient de l'autre. Étymologiquement, ça paraît pas exact. Alors le premier, c'est BOD, mot masculin, pluriel BODU, qui veut dire un buisson, une touffe. Hein. Par exemple, on va dire au BODLAND, au BODSPERN, hein, pour des épines, au BODHARLEK, hein, pour du saule. Voilà. Et donc, un buisson, une touffe. Hein. Et il y a pas mal d'expressions qui, par exemple, tris vel opes van au Bodland, tris comme un poisson dans un buisson d'ajon. Ouais, c'est pas tellement un milieu qui lui convient. Voilà. Alors, c'est un mot qui est d'origine celtique, bien qu'en fait, il n'y ait pas d'équivalent dans les autres langues celtiques, hein, et qui est très employé, hein, donc, mot masculin. Donc le pluriel est Baudou, hein, comme plumeur Baudou. Ah oui, j'y ai jamais pensé. Oui, je suis pas trop sûr d'ailleurs de l'étymologie, mais enfin, c'est possible que ça soit dû à ça, quoi. Voilà. Alors Baudou Drez, hein, j'ai dit aussi pour des ronces. Et alors il y a des sens figurés, par exemple une assemblée, hein, or Baudatut, hein. Hein, donc une assemblée, ça peut être Baudaden aussi, Vaudaden, hein, puisque c'est un féminin. Baudan, le verbe baudan, c'est réunir, hein, donc le participe passé, Baudedin. Voilà. Bauden, c'est également un buisson. Hein. Et alors, Vauden, hein, c'est un buisson, ça peut être aussi un banc de poissons, en vocabulaire maritime. Une assemblée de poissons, quoi. Voilà. Alors, on peut aller plus loin, jusqu'à Baudénade. Hein. Or, Baudénade, c'est aussi un buisson. En breton, il y a souvent des mots comme ça qu'on peut rallonger. Faut peut-être pas exagérer quand même, hein, mais qu'on peut rallonger comme ça. Et en général, il y a une petite différence de sens. Par exemple, le suffixe « ad » donne le contenu. Le contenu, hein. Bon, voilà. Voutayad. Voutayad, voilà, au Vernad, hein. Or Baudénada. Et bon, un verbe Baudénin aussi, s'assembler, se grouper. Hein. Voilà. Alors, Baudéne, comme adjectif, hein, qui veut dire buissonneux. Divaudan, c'est le contraire de Baudan, c'est défaire quelque chose, par exemple, dissoudre une association. Voilà. Mvaud, alors, Mvaud, c'est une réunion très employée. Hein. Un mvaud, hein, dans les... Ça vient de baud, oui. C'est tout ce qui est groupé, rassemblé. Voilà. Et Baudelaire, par exemple, hein, c'est un endroit de réunion. Et Baudadog aussi, Baudadog. Hein, Baudelaire, c'est rigolo. Hein, c'est poétique. Baudelaire, ce serait une assemblée de voleurs, peut-être. Baudelaire, il y en a, oui. Moi, je pensais au poète, hein. Oui, Charles. Oui, oui, oui. Ouais, les fleurs du mal, quoi. Voilà, un texte assez obscur souvent d'ailleurs. Baudadog, hein, bon, Baudadog zonérienne par exemple, hein, voilà. Alors le deuxième, donc le deuxième... On ne dit plus d'ailleurs, c'est fini Baudadog zonérienne. C'est à moitié fini, quoi, ouais. Mais ça c'est... Je veux dire zonérienne maintenant. Zonérienne, oui, mais... Oui, oui, mais je crois que la structure existe encore pour certaines choses, quoi, bon... Enfin, je ne suis pas un spécialiste de Baudadog zonérienne. Voilà. Alors, le deuxième mot, c'est Baud, qui veut dire une demeure, hein, une résidence. Hein. Et ça, c'est une vieille racine celtique qui est bota en gaulois et qui a donné baud en breton et en gallois. Et il y a également un mot gaélique, mais gaélique irlandais, qui désigne une hutte, une cabane, pas une résidence, mais c'est un sens voisin, quoi. D'ailleurs, on a traduit, par exemple, bed and breakfast par baud à bouite, résidence et nourriture, quoi. Voilà. Alors, des expressions, rainbow, hein, héberger, héberger, class baud, hein, chercher un asile, hein, à être hébergé aussi, hein. Voilà. On disait, par exemple, un deal, n'a baud, n'a scout, hein. Quelqu'un qui n'a ni à se loger, ni à pourvoir ses besoins, quoi. Voilà. Alors, donc, il y a beaucoup de noms de lieux qui sont en baud comme ça. Alors, sans qu'on sache toujours s'il s'agit du buisson, au sens botanique, ou s'il s'agit de la demeure. Hein. Par exemple, Baudefaux, par exemple, hein, on trouve ça dans plusieurs endroits, Beaubriac, Aloyuec, hein, donc un buisson, un bois de hêtre. Hein. Baudeland à Plouisy, hein, donc là, il s'agit de l'Ajon. Baudesperne à Bulat, Baudegoué à Kerrien. Et alors, des... Baudhalleg aussi, hein, à Quimper, par exemple. Baudekellen à Plaisidie. Tiens, c'est aussi une. Il y a une association à Gourin qui s'appelle Baudekellen. Alors qu'on pourrait traduire soit par un buisson de houx, soit par une maison de l'enseignement. Ah oui. Il y a peut-être un jeu de mots quelque part là-dedans, quoi. Oui, parce que Kellen, c'est aussi le centre de formation des professeurs d'Iwan. Oui. Alors bon, c'est pas. Voilà. Et alors, par contre, il y en a qui sont certainement des noms de résidence. Par exemple, Baudilio à Bulat, Baudecolle aussi à Saint-Nicodème, où habitent les frères Morvan. Et puis d'autres. Hein, Baudelzi aussi à Saint-Servais serait probablement le nom d'une résidence. Bon, ben voilà, on a fait et Botmel pour finir, à Calac. La résidence du prince ou d'un personnage qui s'appelle Mel, quoi. Eh ben, c'est pas mal pour finir. Bon, on en reste là pour Guerriou Arvué. On passe à la seconde partie de cette émission Hentar Brezonek. Brezonek Tom à Tom. À Zantoluk, ce village idyllique situé entre Pumrit, Trémargat et Malpestivert. Non, Pumrit et Trémargat. Pumrit, Trémargat, Lanrivain. Trémargat et Lanrivain. Voilà. Un village où tout le monde parle breton et où Chanik travaille à la radio. Elle va aujourd'hui voir le curé, Iwan. Oui, Iwan Ndu, elle est allée avant le pardon, elle est revenue après le pardon pour faire le compte-rendu. Salut, autre personne, penosement compte. Ma tré, Chanik. La dinta, tré, mais pardon, nous enterrons, bah, chapelle Kérizel. Ya, ma tré, Chanik, calze du doigt, ben, l'auvergne d'Orbeuré, à Tiemodel de Naberdeg, en Orgus Pérou. À Calzedud, au chôme de Vidorouariou, Jécha de Noir Drode, Reda de Guard, non, Jécha de Noir Gordon, Reda de Guard Drode, Basiout, Gouren, Agivé et Viljus, Virouari Boulou. Krogedma de Saint-Antad? Ya, Glebois en temps moelleigne, mais de roi d'oisir. Ah, quand ne rien d'ut? Ya, un dut de Blichte, quand en braison, pis ne vec et gré de Gualali, Jiwas, Baili, Jowervro. Ben Bla, vos grès de roisard, pardon, Ganar. Ya, m'avait volonté doué. Et on reprend, phrase à phrase, ce dialogue entre Chanik et Iwan Ndu, le curé. Salut d'autres personnes, pénoncement compte. Oui, comment ça va? Matré, Chanik. Très bien, Chanik. Laridinta, très ménénémade, pardon, Zanterne, bah, chapelle Kérizel. Oui, est-ce que le pardon s'est bien passé à Saint-Hernin? Le pardon de Saint-Hernin à la chapelle de Kérizel. Ma très Chanik. Très bien, Chanik. Il y avait beaucoup de monde. Calz a dû te wabed ban auvergne d'Arbeuré à Kemendal, Vidargousperou, Danabdeg. Oui, il y avait beaucoup de monde à la messe le matin et autant pour les vêpres l'après-midi. Calz a dû d'Azo Chomet, Vidarouariou. Et beaucoup de gens sont restés pour les jeux. C'est Chad et Noir Gordon. Alors, tir à la corde. Reda de Guardroit. Oui, course à pied. Basiout. Basiout, c'est Basiout. Gouren. Gouren, c'est Gouren. À Guillé, vite Roari Boulou. Et aussi pour jouer aux boules. Croguetmad ne un tantad, demande Chanik. Ouais, le tantad a bien pris. Ah, ya. Glebe wantom, Walein. Mais oui, il était un peu mouillé sur le dessus, parce qu'il y avait eu de la pluie la veille. Mais à roi d'oiser. Oui, le bois était sec, quoi, donc ça a pris quand même. À quand ne rien dut. Et les gens chantaient. Ya, azur. Un dude à Blige des Gandans et Brézonnec pèse des vecs et grettes qui n'a pas la église. Oui, les gens aiment bien chanter en breton, ce qu'on ne fait plus malheureusement, souvent dans les églises du pays. Benobla, vos grès de Roisar, pardon de Gandor. Oui, l'année prochaine, vous ferez encore le pardon. Ah, ya, m'avait volonté doué, Chanik. Si c'est la volonté de Dieu. Eh oui, parce qu'il est âgé, Iwan, c'est ça. Il est vieux, oui, il est vieux. Eh bien, on passe à Petrazone Vervo maintenant. C'est toujours Entar Brézonnec avec Henri Le Naou. Zone Vervro, Eri. Ma calze drogue zone Vervro et vel juste boervege di ouzan. Krogom de dianton vel kis a custum, gandela bourdouar agavu et war armes. Eruon bremen ba kreise neve amzer, calze labour yo zo begret ba parkeyer evro, Hag un amzor zo bet bra ou ba mi zebre le vidor labour yaou. Mam eus ba bizmen ne ketin kouls. A war dach an el arbor dou ar vejmen el arin ke kalz e drou, ben ar vejel ma trezen volar en muor. Ham de gomz an tamm deus un en drou. Ugen vlaso, oa bet gret ba brovranz, tregant mil ton mel, oa ba brovranz e bez, hein. Hag war lan e oa ke begred med 10.000 ton. Hein. Hag an se, ze nak ma d'un trou gant e gwenan, hag gant e gwenan aerien. Hag bon, kalka ze kude no zo, da skwer gant e lond vegred in gal hag frelon asiatik, hein, zo a wespen deus bo azi, hag gwellare de bon e aipoan lor an drabenek de vid had lans an gwenan bavro. Chombo montam war an endro, ba plou gant ver zo rak tres, evit zevel tourio avel, d'ober tredant, gant ur stal zo rang ned Maya e Olis. Hag ma ve fe begret an drase, ve fe begret c'hwer tourtan, kant a hantar kant met uelder, hag bon ze ve fe begret tre plou gant ver logivi plou gras. War anket a gen vo gret, me gwellet vo. Comme ça mon temps vraiment de genre politique RS. War vegenom sur avec les comme de sur broyou et veloigne becrou et grand lesen pasqua à Walerzé grand lesen voiné. Ag bon lard ou abé d'ormar et abé ou abé lard et vigébé de grand grand broyouze vigébé là que de broyouze ba place un département chou. Mais bon, un département chose au chambre d'ag n'est que Wals Claire pessa stade mon vraiment broyou en de voiné. Braise au nom noir nugen au bois nugen hein. Et vel da square vro cob hein zo ba crise braise. Ag ba war blad de zone war pem plat de zone pelar in mode vro per 100 millions d'euros ou d'or broyou. Braise gonne rend vro Er an deus ur an vro, met ive deus bro Europa. Hag an se, ma trezen vo moyen d'or kalz e traou. Vidor parouz yo, vo ster d'un traou, ma blave zo de zon, pudur vo digres ket un er an ro et gant e stad, zikour yo. Hag bon setu, bon vid barouz yo, vo diez un traou zo roar. Hag ze zo koz zo kalz barouz yo, a zonja ma trezen. Non là qu'à semblez hein et vide comme ne te refrais je vide pesel de erran de barouge puis dur vos isolés de un erran zoir et vos neptés de rinchou dans ça va dur yo à gazé vel juste n'est que mode vide n'implijou bavro bonne babro arméné vos grès d'or barouze névé zo hant vet le mene hag aze vola ket seiz parouz d'oberze, Koliné, Le Gouret, Langourla, Zanjaku ur mene, Zanjili ur mene, Plesala a Zangueno. Hag barouz ur eiz pen c'hwer mil den, vo barz pen c'hwer mil den, a honz o barouz bras an vo ba breiz gant eizugen kilomet kare. À ma treizeaine balérelle, vous grèdez un temps même ce mot, quoi. Puis dur, sur les un nôtre, à glace que juste mal de beau dents, leur pas rouge, ouais. Bon. Dès que vous la trugue, un zo, ou habite de, zéwa de no arnug, un misible, ouais, de mer, de vote au videur, vich tient tant. Vide, vote à dégoût, leur pas rouge, ou. Ag, bon, Monsieur Jean, je de sais, puis j'aurai rien que grand roi, mais de même homme gauze, d'un de ce qu'on me tine à l'ise de sais, puis j'aurai même homme gauze, ou un noble à Rantorcan, puis ou à Niwaga, le monde de faute au videur Véchanta, avec Gaézé Diez, puis j'aurai Vélar et ne se voir plus à cause toi, à de ce botte, à les monde de faute au ami ou un que vimonde. Avec bon, si tu vois bien content de me mestra, dont te faute au videur Véchanta. Votre déjà voté pour Milais Kaneis à Dougen, quand la rogue. Tout de votre de carogue, rogue, rogue, vigèque, mais de rébine, vidani, ou à droite de voto. Bon, dans Wardash et une économie, ils ont tombé. Stahl Far West, en or et d'art Stahl Far West, zo, Stahl à Vreiskola, ja, hag zo Hanover de Mord, vraiment, hein, Stahl yade ba Morbihan, hein, ba Bourg, ba Saint, Ror Saint-André, ja, hag Nevesson, un grade Eva Jouel, d'asquir Breisté, y en a un Breis Agrum, hag Stahl zer aive, peut dire, bir Lancelot, ve Gret Gante, zo stag de Far West. Hag bon, gwell a rin de zo moyen d'or trou e Breiz. Hein. E kalz, kalz bir ve Gret Obern, hein, bromen. Bon, der mal zo be Gret gist, mais vraiment ve Gret bir a kola, bon. Minon ke gwell du edo a hola, mais bon, peut-être not. Bar bir. Bar bir, tientoria. Tientoria. Dans mon temps, nous avons d'ailleurs une zévina durant. Un DL, enfin, zéwa ba misébel, ba pondi, ou un dédiouzan, et vite quand leur boble, ag bon, Edouard d'or en temps trop, et non, ag plus jadur, un clève muscal se trou, un guel mus, azo oison aérien, quand aérien, classe ou bugale, conterien. Bon, n'est que bras gouel tout, n'a rien des mondes de velon tombe pas, mais de bon, calze drôme, mus bête gouel à clève trop guère. Ag, Jean Jalran, péouané, non, me mestra, ma vie j'ai bien longtemps mioul, gand biolitikour, y'en a gand, pénoubras, vélestradurus, vie j'ai bien moyenne, me mestra, de rondra benek, de vide, vide zévena durbreis, plusieurs au calze dut, hag zo labour a doarze, met jiu az nink eg zikour e kalz. Bon, ma trez en zetei ur vech peneket. Hendel ba vro zo kalz e drou, ba kastel ur ur hugnu e vo gred par den nan, un diskwezade gwar a blantenu, e ve implije de vid yar aden dut, vije implije de yar aden dut gwezhel, hag mamez hudunde, zo moyen de d'implije ur blantenu zo peve gwar ad ober. Un DL, veja ou l'art en d'art, tu d'avais aide de Nanang, à un moment est Nanang Pierre Duclos. À Pierre Duclos, bonzo, ne sont des nazo bête gazeténeur, hein, de dian tantou doit laboureur d'ouar, ou être de gazeténeur, ou être de labour à vide le, la Croix, le Monde, Ouest-France. Mais de en mon mur hande de pudur ou béchon bacrer ouan de melpistien, ani ou agred orgelawen, a oua le canard de Nantes à Brest. Ma très un peu jonge, je sais. Ag orgelawen orgazette, a oua fentus, ré keleyer de sevro, normo de fentus en tombe, quoi. Bon, moi que pas de pelle à gazette, en ze, mais de bon, mi gazé plus juste. Alice avait compte de homme de Breis de ce Livourien. Puis dur zo bécal ce Livourien, bah, Breis, à Gezoroas. À Gezobé de Livourien, bonne velle Mathurin Meheu, Simone Mogne, à Gezoroas, velle Lucian Poedras, et Blichtin Kals. À Gezusma de zo Kals d'Isik Wesadegu, Hermar aimant. Bah, d'Ascoir, bah, ben, Myrdi, Lambal, zor disco ezadeg, diwar ben, Ninizi, Inizi Breis, vel in begwellet gand Livourien, vel matlin meue, a reel. Hag, bon, hindel, fawet, ba Myrdi ur fawet, zo, o disco ezadeg, bord de nan, war, ur Livour, zo, Hang le Eri désiré, à bon Zomar Pelzo Bromen, Spen plusieurs Wamar, là mille Juan, mille No Han, Pem Patrugen, à quand c'est bon, ma treize année que Hanna veut qu'en calze d'une, mais disquezade que Vaugret, bah non, Warzé. Bon, Hendel, zo kele yarel roaz, diwan plijdi zo hond d'ori hugen Hugen Deabla, un peu dur Hugen Lasso à Bécroud, à Zewar, Orsko, Lar Bourdou, à Rock, enfin, Lar Bourdou, mais Orsko, le vide d'Indon, ministre Lar Bourdou, vide maire à Dreistol, à Péwabézer, à De Skolz, Wabé de Hygiene, d'abord, Skolage Diwan, à Sétu, Bonne, Hugen Lasso, Nekefal, à Kreskeneuse, Boué, à Mondramod, c'est tu la rampe chansois de Ziwan, à Gebon, qui est norvégienne, un de tout d'un dut. Qu'est-ce que vous avez dit? À Dartier Medel. Qu'est-ce que vous avez dit?